Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, ici Mathieu Plante. Je suis très heureux de vous avoir avec nous pour cette émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et on les déballe, on les met dans des piles, on classe ça par ordre de couleur. Finalement, je sais pas. On a beaucoup de bonnes choses pour vous en très très grosse émission. On va entendre du côté francophone Brun Citron. Hein? Il y a aussi la compilation de CFAC 88.3 FM. On va entendre le nouvel album de Bio Bazar, Festin Nu, dont vous avez probablement entendu parler sur nos ondes. Il y a Shout Out Out Out avec Reintegration Time, la trame sonore de Dédé. On va aussi entendre une formation de métal trifluvienne, Hopeless Nation. Mais on va commencer en francophone avec La Patère Rose, groupe dont j'entends parler très fréquemment, mais que j'ai pas encore entendu. Donc, on va entendre ça dans quelques secondes à peine avec la pièce Les Deux Bonnes Sœurs. Vous êtes dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Et suivez avec moi sur le www.unechance.com. Bonne émission. La débauche et la mort sont deux aimables filles. Prodigues de baisers, riches de sang. Flanc toujours vierge et trapé des guenilles sous l'éternel labeur n'a jamais enfanté. Poste d'écoute. C'est fou dans vos oreilles. La patin rose avec des capotes. Juste avant, c'était Pacemaker et on a débuté avec les deux bonnes sœurs. J'aime beaucoup ça. Moi, la patin rose, c'était la première fois que j'en entendais. J'en ai entendu souvent parler, mais j'avais pas encore été écouter ça. La patin rose, leur album est éponyme ou homonyme, comme vous le voulez bien. Vous pouvez aller voir le myspace.com/ la patin rose. Et ça, c'est du pop électro-rock de Montréal. Les membres sont Fanny Bloom, Roboto et Kilo Jules. Mais parlons un petit peu plus d'eux en détail. Formé du claviériste et échantillonneur Thomas Hébert, alias Roboto, du batteur et DJ Julien Arbeck, alias Kilo Jules, et de la chanteuse pianiste Fanny Grosjean, alias Fanny Bloom, la Patin Rose est un groupe électropop à l'univers coloré, passionné et au son sensible. C'est en 2003 que les membres de la Patin Rose se rencontrèrent au cégep de Sherbrooke pour ensuite commencer à jouer ensemble 2 ans plus tard. En 2005, Fanny se rend à la finale nationale de cégep en spectacle, alors que Julien et Thomas forment le groupe Mister Valère. Ah, j'adore Mister Valère, c'est bien ça. En 2008, ils développent leur son unique et se présentent au Francouverte où ils se rendent en finale en compagnie de Bonjour Brumaire et Le Citoyen. L'univers sonore du trio, inspiré de Camille, Émilie Simon, Lily Allen, The Do, en passant par Martha Wainwright jusqu'à Brel, leur permet de convaincre le public ainsi que le jury et de remporter la grande finale de la 12e édition des Francouvertes. Ils ont également remporté le prix de la chanson Socan pour Backyard Souvenir, ainsi que le prix du public. Après une participation remarquée aux Francofolies en 2008 et au Festival Oceaga, la Patin Rose participe aux Francofolies de Spa en Belgique et présentera une tournée qui mènera partout au Québec en 2009. Et parlant de tournée, il y a des dates qui s'en viennent. Ils vont être au spectacle au Cégep Marie-Victorin de Montréal à 20h le 12 mars. Ensuite, le 19 mars, c'est le lancement de l'album au National de Montréal. Ensuite, ils vont passer par le Cercle, le Vieux-Clocher et le Complexe culturel Félix Leclerc. Tout ça dans les mois à venir. Allez voir leur MySpace au myspace.com/ la Patin Rose et achetez leur CD qui s'appelle aussi la Patin Rose. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'entendre le reste de l'album. Un groupe que je sais que j'aime parce que j'en ai déjà fait jouer, j'en ai déjà entendu pas mal de fois, on l'a passé souvent ici dans le poste d'écoute. La formation Shout Out Out Out Out. Bon, j'ai dit assez de out. Avec leur nouvel album Reintegration Time, tout de suite, on écoute la pièce Run dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble dans vos oreilles au 89.1 FM. C'est fou! We'll be right back. Yeah. Et c'est beaucoup trop bon. Une autre pièce de Shout Out Loud au retour de la pause dans le poste d'écoute alors qu'on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble dans votre radio 89.fm. Restez là. Poste d'écoute. On vient de passer un très long bout de temps avec la formation Shoutout, Out, Out, Out, Out, Out, Out, Out, Out, avec leur album Reintegration Time. Ça, c'était la pièce Bad Choices. Avant ça, c'était Guilt Trip, Sink Ships. Et au début, c'était Run dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Shoutout, Out, Out, un groupe d'électro, disco, house, rock, selon leur MySpace. Ils viennent du Canada. Oui, groupe canadien. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je regardais s'il y avait des dates canadiennes. Il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, par contre. Donc, membre du groupe Nick Seven, JC, Papa, Willie, Diminutes, Gravy, Snarf, plein de monde là-dedans. Je sais pas, ça a l'air compliqué, leur affaire. J'essaie de trouver des infos, mais il y en a pas même. MySpace.com, barbecue, shout, out, out, out, out. Passez par le site de l'émission, www.unechance.com. Toutes les infos sont là-dessus. Allez-y, à la place de juste chercher des affaires et pas trop savoir où je m'en vais avec ça, allez voir le site de l'émission, www.unechance.com. J'ai vraiment adoré leur album Reintegration Time. On passe du côté francophone de nouveau. Oui, pour aller entendre la formation Brun Citron. Leur album, étrangement, s'appelle José Nicole Ginette Sandra. On parlera d'eux autres un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va l'entendre la pièce Vomir dans mes cheveux. Et on commence avec l'intro qui débute de façon très relaxe. Parce que vous êtes chill, vous êtes zen, vous êtes dans la belle émission qu'on appelle le poste d'écoute. Au 89 FM. Que dire de plus? Compliqué, je veux juste rester couché. la musique de la formation Brun Citron. L'album s'appelle José, Nicole, Ginette, Sandra. Moi, j'aime vraiment pas ça. Des tours comme thème. Avant ça, c'était Rester couché. Avant ça, Vomir dans mes cheveux. On a commencé avec l'intro. C'est un style, tu sais. C'est du punk acoustique minimaliste selon leur MySpace. C'est un groupe de Québec, Brun Citron. Allez voir le myspace.com/Brun Citron. Le seul et unique membre du groupe, c'est Jonathan Boisvert. Armé de ukulélé, Brun Citron égratigne la chanson folk francophone avec son passé capitonné de punk, de hardcore et de métal. Il gribouille les textes naïfs et déplacés, accompagné d'une musique dynamique aux structures épurées, dit-il, le tout pour véhiculer sa perception de l'amour et des relations interpersonnelles. Le dénouement prend la forme de petites ritournelles intenses, cursives et abruptes, qui ont pour mission de déstabiliser l'auditeur, de le choquer et de lui démontrer que ce n'est pas juste le beau qui est beau. Voilà, c'est vos textes sur myspace.com/Brun Citron. C'est le MySpace de la formation. Que voulez-vous? C'est toi. C'est un style. Je sais pas, peut-être que je m'habituerai avec le temps. L'album s'appelle José, Nicole, Ginette, Sandra. Et c'est Brun Citron, en effet. On passe du côté anglophone pour aller entendre la formation canadienne de Balconies. On va l'entendre pour commencer la pièce The Slow et on en parlera un petit peu plus tard. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au 89.1 FM. C'est fou, ça! Dans vos oreilles. Pas de ta main, ça. Je suis juste l'animateur. Je vous en fais entendre quand même, tu sais. Si vous aimez ça, ben écoutez. poste d'écoute. Balconies, The Elephant Land, précédé de The Slow. Ça vient de leur maxi, The Balconies, qu'on vient de recevoir ici à C'est Fou. C'est du pop rock pop de Ontario, de l'Ontario. Je mettrais même un L apostrophe, un article. C'est bien. Jackie est à la guitare et la voix, Liam à la batterie et la voix, Steve à la basse et la voix. Allez voir myspace.com/TheBalconies. Ils sont en tournée. En fait, ils vont être à Québec. Est-ce que c'est passé? C'est ce soir, vendredi 6 mars. Si vous écoutez en direct, c'est au Black Sheep Inn avec Amos, The Transparent et Kieran Blake. Il y a un shuttle bus, il y a une navette qui va faire la tournée. En tout cas, c'est à Wakefield, 20h ce soir, vendredi 6 mars. Ben donc, myspace.com/TheBalconies, c'est leur site web à la formation The Balconies. On va terminer cette première heure du poste d'écoute avec une troisième pièce de leur part, c'est Battle Royale. Et puis, je pense qu'on va avoir le temps de revenir rapidement à la fin pour parler de Luke Mikkelsen qui va terminer cette première heure pour les gens qui écoutent la rediffusion. Bref, on part la tune tout de suite puis ça devrait rentrer. C'est supposé être calculé, mais tu sais comment je suis. Pas sûr que ça va rentrer. Les auditeurs des rediffusions donc, vont entendre Luke Mikkelsen et son album Burn to the Ground. Allez voir lunechance.com pour tous les détails. Comme toujours, restez avec nous. On revient pour une deuxième heure. Told her to, so come on now, that's the story. All the pretty people will sing a song for you. Oh, all the pretty people will sing a song for you. Without you, in the tape you did too. Now that one has more to do, so. Missed on the water's edge. Feels good around me, but I can't see ahead. The same things that set us back help us go on. Du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. Moi, c'est Mathieu Plante et cette deuxième heure va être remplie de bonne musique. Tantôt, on va entendre Sébastien Ricard qui va interpréter les pièces de Dédé, hein, l'album du film qu'on a reçu. On va entendre plein de pièces classiques. Mais on commence avec Biobazar. Vous l'avez peut-être entendu sur nos ondes avec son remix de L'Index par Jésus Bench 400 livres. Il lançait son nouvel album Festin Nu récemment, jeudi, à l'émission Sortir de Radio-Canada. Vous l'avez sûrement vu. Tout le monde regarde cette émission. Donc, on va aller entendre plusieurs pièces de son album Festin Nu. Les trois premières, il va y avoir... on va passer 20 minutes avec, ça va être quand même beaucoup. Short Jim Story, je sais pas si je le prononce correctement, ou Alex Jingle, c'est la troisième. La deuxième, Fly Monkey, Singe du Ciel. Mais on commence avec Chameau, VG Chameau, tout de suite dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Thank you. Le poste d'écoute. C'est fou, fou, dans vos oreilles. 89. Peyote, champignon, ayahuasca. Pour communiquer avec le monde des esprits, sorciers, guérisseurs et chamans ont toujours utilisé des plantes hallucinogènes. Champignons, ayahuasca, pour communiquer avec le monde des esprits, sorciers, guérisseurs et chamans ont toujours utilisé des plantes hallucinogènes. sans qu'on lui trouve une utilité. Passe une bonne vingtaine de minutes avec le nouvel album Festin et Nuit de Bio Bazar alias Danny Janvier ici dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Ça, c'est la pièce Shoulder Story, Alex Jingle. Avant ça, c'était Fly Monkey, Singe du Ciel. Et on a débuté avec Chameau, VG Chameau. Festin et Nuit, le nom de l'album. Lisons un petit peu parce qu'il y a un texte sur le site dannyjanvier.com qui est le site personnel de Bio Bazar. Il y a un texte de Jean-François Fecteau qui anime ici assez fou les samedis soirs. Donc, ça dit « Artiste multidisciplinaire, Danny Janvier a toujours exploré toutes les avenues de la création. » Et depuis près de 10 ans, il compose des musiques électroniques sous différents pseudonymes, mais c'est vraiment son projet Bio Bazar qui a persisté à travers toutes ces années. Avec l'album Festin Nu, Bio Bazar nous offre peut-être son album le plus complet et le plus achevé jusqu'à maintenant. Son compromis, Danny Janvier ne suit pas les goûts du jour, s'inspirant d'artistes cultes comme entre autres The Orb, Orbital, Juno Reactor et en y insufflant sa propre folie, sa propre sensibilité et surtout son éclectisme si riche et déconcertant à la fois. Une chose semble constante à travers les 11 compositions de Festin Nu, soit l'invitation au voyage. Allez lire le texte complet sur dannyjanvier.com. Vous allez en savoir beaucoup plus sur chacun des projets de Danny Janvier. Là. À part Biobazar, il y a Jésus Belge 400 livres, il y a Benzen, il y a un paquet d'autres choses. Il faut le suivre, cet homme, Danny Janvier. Sinon, venez le voir au bureau de C'est Fou pour lui placoter ça un peu. dannyjanvier.com, c'est le site. Allez voir. On retourne du côté francophone pour aller entendre Dédé avec la trame sonore du film Dédé à travers les brumes. C'est les chansons des Colocs interprétées par Sébastien Ricard. On va entendre les classiques La rue principale et Dédé, mais on commence avec Julie tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. J'ai rencontré au dépanneur. Elle s'achetait une grosse liqueur. J'ai dit pourquoi je me dis. Elle disait bah je m'appelle Julie. J'ai dit ah ouais, ah bon. Elle m'a demandé si c'était la première fois que je rencontrais une Julie aux cheveux noirs. Je vous ai la première fois à soir. Elle me dit Julie ça va mieux pour les blondes je trouve. Wow wow wow ma petite Julie. Si t'étais pas si jeune je t'aurais pris. Elle dit toi que je t'en un gars pas si happy. Viens m'en voir quand t'auras 20 ans. Parabli bip di bop di bop bop mbo. Bip to bip di bop mbo. On est allé au cinéma pour voir un film de Coppola. Elle dit j'aime mieux les Fellini et Marcello Mastroianni. J'ai dit ben ça va mal. On est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. Il a dit voyons ma petite Julie, des bras ben vieux, des petits amis. J'ai dit ben toi mon vieux tabarnocha. Oh, oh, oh, oh ma petite Julie, c'était pas si jeune. Je t'aurais pris, dis-toi que t'as un gars patient. Puis viens m'en voir quand Julie pleurait sur le divan. Ses larmes ont coulé jusqu'à moi, si bien que je me suis réveillé. J'ai dit, en voyant Julie là, qu'est-ce qu'il y a? Elle a nagé jusqu'à mon lit. J'ai cru qu'elle allait se noyer. Elle me dit, écoute-moi, chérie, tu sais, je ne veux pas te quitter. J'ai dit, ben non. Wow, wow, wow, ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que je t'ai un gars patient, puis viens m'en voir quand t'auras 20 ans. Bada, blibi, petit bap, petit bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Aujourd'hui, Julie a 20 ans. Elle est mariée depuis 2 ans. Avec un coach Chicoutimi, je vous dis qu'il y a un maudit bel accent. J'ai dit, tendu quoi? Elle a fait teindre ses beaux cheveux. Tendu platine comme Marilyn. On s'est parlé une couple de fois au téléphone. C'était belle femme, mais on se voit plus. On se voit plus pantoute. Oh, wow, wow, wow, ma petite Julie. Moi, je reste jeune, mais toi, t'as mal vieilli. Dis-toi que je t'ai un gars patient. Puis viens m'en voir quand t'auras 100 ans. Viens m'en voir quand t'auras 100 ans. Chez moi sur la rue Mont-Royal, y'a un petit gars, y'a pas de bicycle. Mais y'a une mère, mais c'est pas sa mère. Pis son père, c'est un alcoolique, t'es classique. Des fois, une autre mère qui est pas plus sa mère. Elle vient le chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs, le bruit, c'est toute sa vie. À part la folie, wow, wow, wow, dédé, dédé, dédé, dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que tu peux faire pour devenir honnête. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Tous les jours à 7h du matin, j'entends des cris Dédé, viens ici. Je pense que Dédé c'est un fils de putain. On le traite comme un chien. Et puis, l'autre sous l'ongle rigole après lui. Une chance qui est pas là d'après-midi. Ça fait que Dédé va jouer dans ruelle avec les poubelles. Wow, wow, wow, Dédé, Dédé, Dédé, Dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que tu peux faire pour devenir en aide. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Le bruit est parti, il vit sa vie. En deux couvertes, ils ont vu tout, tout. Enfin, le monde est doux. Oh, d'un rêve à l'autre, il patine et s'amuse. Il danse Syrie avec ses chums. Il vole au-dessus de la ville avec les éléphants. Enfin, il y a du fun. Hey. 89.1. Juste 4000, puis la rue principale, la sable Saint-Cyril, la coop, le Gaspard, la caisse pop, le craque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il tombe une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'amenais ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en beau, joie le vert. Ça avait l'air de mal, j'albert. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des ticus en bicycle, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Voici Patrick Esposito di Napoli. Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le modèle est démoli. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer avec quart d'heure. Oh, oh, oh, oh. Dans ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le Gaspard, la caisse pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Ben juste ça pour que le monde connaisse son nom finalement. Je parlais pas de Dédé, je parlais de Jean-François Harrison. Dédé! Travers les brumes, c'est le nom du film. Ça, c'est des chansons des colocs interprétées par Sébastien Ricard. On a entendu Julie, Dédé et la rue principale. Jean-François Harrison ne s'est pas chanté, je pense. Ouais. Je laisse aller vous renseigner sur le site, mais Sébastien Ricard a un MySpace, myspace.com/ Sébastien Ricard. Il se dit chanteur, trompettiste, comédien. C'est un français. Ah, je savais pas que c'est un français. Intéressant, intéressant. On reste du côté francophone pour aller entendre une compilation d'une station qui est équivalente à la nôtre, je dirais, parce que c'est une radio universitaire et non seulement ils sont équivalents à nous, ils ont en plus piqué notre slogan. C'est Fac dans tes oreilles, c'est le nom de leur album. Volume 1, nous c'est Fou dans vos oreilles. Nous, au moins, le jeu de mots fonctionne. T'sais. C'est fou dans vos oreilles, fou, tu sais. Bon. C'est fac. Apparemment que vous êtes fac dans vos oreilles, vous aussi. Bref. 88.3, c'est la radio universitaire de Sherbrooke. Et on va l'entendre des formations qu'on ne joue pas assez fou parce que c'est sûrement des formations locales. Ou en tout cas, nous, on n'a pas encore fait jouer ça tant que ça. Je sais que les Connards à l'Orange ont joué quelques fois aux émissions de mon ami Key One. On va les entendre tantôt. On va aussi entendre Gotrans. Très bon jeu de mots. Mais on commence avec les bébés requins. Voici leur pièce discothèque dans le poste d'écoute alors qu'on découvre toutes les nouveautés musicales au 89.1 FM. Attention, l'original s'en vient. C'est fou dans vos oreilles. L'original est toujours le meilleur. Non, je t'en suis de dire ça. C'est fac dans tes oreilles. Oh! Brasseur, Lucien Francœur, José Lavieur, Luke Skywalker. Ce n'est pas un amateur avec son sabre lumière. Je suis. Huit femmes, huit femmes, huit femmes, huit La trance est Lingam ou Lingam dans le poste d'écoute. Ça vient de la compilation CFAC dans tes oreilles volume 1. Même si on volait notre slogan, leur choix musical est quand même pas mal bon. Avant ça, on a entendu les Connards à l'orange avec Luke Skywalker. On a débuté avec les Béliers Roquins et Discothèque. Donc, formation québéco-bretonne-française de Sherbrooke. Ça pour Gratrans. C'est au myspace.com/, je crois, Gratrans. Mais leur adresse n'est pas tellement écrite sur le MySpace en tant que fait. Les Connards à l'orange, eux, c'est myspace.com/, les Connards à l'orange. Aussi un groupe de Sherbrooke qui est en spectacle d'ailleurs ce soir à 20h à la Rive Gauche avec Bonne Journée. Ça, c'est à Sherbrooke. Ils vont être demain, samedi, le 7 à 20h à l'Esco avec Bonne Journée et les Dorothées. Ça, c'est à Montréal. Au début, donc, les Bébés Roquins, c'est du French Pop Rock New Wave de Sherbrooke aussi. Ils sont en spectacle le 24 avril à 20h au Téléphone Rouge pour le lancement de leur 7 pouces. C'est leur CD, les Bébés Roquins. MySpace.com/, les Bébés Roquins. Ça fait le tour pour la compilation de CFAC. Le site web de CFAC, la radio universitaire de Sherbrooke, est au cfac.qc.ca. Si ça vous intéresse d'aller voir leur site et vous renseigner sur leur programmation, qui est quand même très bonne. Je crois. Pas vraiment écouté. On continue avec Crazy Power de Josh Reichman, Oracle Band. Vous pouvez prononcer ça Reichman, j'ai aucune idée. Hein? Moi, je nage dans l'ignorance aujourd'hui. Josh Reichman, Oracle Band, Crazy Power, nom de l'album. Trois pièces s'en viennent. On va commencer avec la première, évidemment, dans le poste d'écoute. C'est Spirits Don't Leave. Je vais pas dire qu'on va revenir avant la fin de la deuxième heure, mais bref, restez là pour une troisième. Si jamais on revient, on revient dans ça. Pas trop avec ça, moi, de revenir en onde, dire des affaires, puis de vous dire de rester là pour une troisième heure avec les Apple Crisp, avec Great Lake Swimmers et Jezebel, et même Hopeless Nation. Donc on s'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois au 89.5. Better than all the rest. And I know it's better than he said. Coming on, she said, they said, oh. Eh bien, regardons ça, on a le temps de revenir un petit, une minute et demie, c'est pas ce que... Josh Reichman, son Oracle Band, et ça, c'est Spirits Don't Leave de l'album Crazy Power. Ça sort le 10 mars au Canada. Allez voir myspace.com/Josh Reichman ou passez par le site web de l'émission au www.unechance.com. Là-dedans, il y a Jeff, Josh, Joseph, John, Kieran, Vince, Laura et une chorale d'êtres humains. Dans la troisième heure du Poste d'écoute, où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble, il va y avoir du Apple Crisp, formation canadienne. Même chose, canadien pour Great Lake Swimmers et Lost Channels, c'est leur album. Il va y avoir du punk avec Jezebel. Et on va terminer sûrement l'émission avec Opus Nation, formation locale qui fait du métal. Leur album est Built From Scratch. Reste avec nous, on revient après quelque chose, là, comme les nouvelles le vendredi. Sinon, ben, les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi, vous avez toujours 20 minutes de contenu additionnel. Donc, vous allez entendre d'autres pièces de Josh Reichman, Oracle Band. Il va y avoir Trade Names et sûrement même See at Night. Encore une fois, www.unechance.com. Vous pouvez aussi télécharger la balado-diffusion là-dessus. Restez avec nous. At night, it's just like me, a mass of not all in time. Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. Moi, c'est Mathieu Plante. Oui, une dernière heure avec plein de variétés musicales parce que cette heure est comme toujours de Poste au Poste. Donc, on va aller très rapidement d'un groupe à l'autre. Là, aussi, j'aime pas ça. Là, snip, snap, passe au prochain, pas de niaisage. On va entendre The Hermit, Jezebel et Great Lake Swimmers dans cette troisième heure, mais on commence avec la compilation de la compagnie Apple Crisp Records. On va entendre les deux premières pièces de deux artistes différents. En fait, tous les artistes de cet album n'ont, je crois, jamais joué assez fou. En tout cas, il me semble. On va entendre Nick Warby and Milkwood Sparrows avec Tiny Ghost dans quelques minutes, mais on commence avec Magic Jordan. Voici Running for Our Lives dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou, ça! C'est trop profond, ça. Je peux quand même aller loin dans ma gorge. de poste en poste. In the woods, we found bodies, we found bones, tiny bodies, tiny ghosts, and the spirit of Walt Whitman talking poetry to a pine tree, and the pine tree is made of other seeds, made of other trees, other ghosts. It'll bounce, it'll bounce, it'll bounce, it'll bounce. Nick Werby and Liquid Sparrows avec Tiny Ghost de la compilation Apple Crisp Records ici dans le poste d'écoute. Avant ça, c'était Magic Jordan avec Running for Our Lives. La première pièce, c'est pas tout le monde qui aimait ça. Moi, j'ai bien aimé, mais une auditrice m'a téléphoné pour me dire que ça ressemblait à une chorale de René Simard qui chanterait du U2. Ok, c'est pas pour tout le monde, ça. Nick Werby, qu'on vient d'entendre, lui, vient de Kingston, Brentford, au Canada. C'est de Lindy. Myspace.com, barbecue Nick Werby. Drôle d'appellation. Allez voir lunechance.com pour le lien. Avant ça, donc, Magic Jordan est au Myspace.com, barbecue Magic Jordan 3223. Puis, c'est pas mal ça. C'est un groupe de Kingston en Ontario aussi. Donc, on peut s'attendre à ce que Apple Crisp soit, évidemment, un groupe. Une étiquette de l'Ontario. Apple Crisp Records, ils sont au applecrisp.ca. On reste du côté anglophone et on reste du côté canadien pour aller entendre la formation Great Lake Swimmers. L'album s'appelle Lost Channels. Et tout de suite, voici Palmist Tree dans le poste d'écoute. C'est assez fou, 89.fm. Restez là, au retour, plus de Great Lake Swimmers dans le poste d'écoute. C'est fou! 89.fm. Le poste d'écoute. Moving so fast. Great Lake Swimmers et la pièce Pulling on a Line, précédée de Everything is Moving So Fast et de Palmistry. J'ai vraiment adoré ça, c'est leur album Lost Channels. C'est super bon ça, Great Lake Swimmers. Leur album sort le 31 mars, donc on l'a reçu beaucoup à l'avance. C'est un groupe de Toronto en Ontario de Ambient Folk, disent-ils sur leur MySpace au myspace.com. Barbie Great Lake Swimmer. Great Lake Swimmers. Donc pluriel est à Swimmers. Sinon, c'est greatlakeswimmers.com. Et puis, ils sont en tournée canadienne en ce moment. Ils vont être à Québec au Cercle le 14 mars à 20h. Donc, allez voir le MySpace pour plus de dates. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Dernière fois, vraiment beaucoup. On continue avec un groupe de punk. Oui, Jezebel. Leur album s'appelle Remorse is for Suckers. Ils ont envoyé un maxi de 4 pièces. On commence avec Remorse is for Suckers, la pièce titre. Et on rappelle qu'on est dans la troisième heure de Poste en Poste. Donc, aussitôt que j'aime pas quelque chose, je change de CD. Et des fois, ça peut aller vite. Jusqu'à maintenant, ça a pas été super vite parce que Great Lake, c'était vraiment bon. Bref, tout de suite, Jezebel dans le poste d'écoute de Poste en Poste. Assez fou, 89 FM. Poste en poste. wish I hadn't said it. I wish I could forget it. I think you just don't get it. I don't like where it's headed. I wish I hadn't said it. I wish I could forget it. Make me wish I would pull it through. Then I know how to hate you. But until I've nothing to lose, can you give me something I can cling to? Make me wish I would pull it through. Then I know how to hate you. But until I've nothing to lose, can you give me something I can cling to? Okay, j'aime pas ça. C'est comme ça. Jezebel avec Remorse is for Suckers au début, et ça c'était Something to Cling to. Deux pour moi, c'est bien assez, je vais vous dire, de ce genre de musique-là, mais bon, c'est pour certains gens autres que moi, du Jezebel. MySpace.com/Jezebel, la lettre X, Jezebel X. C'est du rock punk metal de Edmonton en Alberta. Voilà pour ça, c'est très ça qui est ça. On passe à d'autres Canadiens, d'un autre artiste canadien qui s'appelle The Hermit. L'album s'appelle Turn Up, entre parenthèses, The Stereo. Ça sort le 17 mars. Très belle date, d'ailleurs. Disponible sur iTunes et eMusic. Tout de suite, voici It Was a Better Time dans le poste d'écoute de Poste en Poste. De poste en poste. Ah, plus peur. Plus peur. Pantoute. The Hermit avec la pièce Si vous me quittez. Avant ça, c'était Headcase et It Was a Better Time. Ça vient de l'album Turn Up, entre parenthèses, de Stereo. Ça sort le 17 mars. The Hermit est au myspace.com/Hermit Music. C'est un groupe de Vancouver en Colombie-Britannique. Ils sont en tournée canadienne en ce moment, mais pas de date au Québec, malheureusement. Il y a aussi hermitmusic.com. Les membres sont Hamish Thompson, John Frederickson, Rob Mitchell, Dwayne Murin et Red. D'accord. Allez voir unechance.com pour le lien si cela vous intéresse. C'est déjà la fin du poste d'écoute, mais on va se quitter avec un dernier album. C'est celui de la formation locale Hopeless Nation. Ils font du metal. C'est une sorte de metal. On va entendre le préambule qui s'appelle Preamble et Blackout. C'est un groupe donc de Trois-Rivières, comme je disais. Ils se disent metal, hardcore, death metal. Donc, voilà. Et puis ils sont en spectacle. Ils étaient en spectacle le 28 février dernier au Nord-Ouest Café, ici même à Trois-Rivières. Voilà, donc c'est ça pour eux. Allez voir lunechance.com pour le lien, ça aussi. On va se quitter là-dessus. Sinon, moi, je couronne mon poste d'or comme je dois le faire à chaque semaine. J'ai des mentions spéciales avant de couronner le poste d'or. La patte à rose, j'ai bien aimé. J'ai aimé Shout Out Out Out. J'ai aimé Magic Jordan sur la compilation Apple Crisp. J'ai aimé Great Lake Swimmers. Mais le poste d'or va à Biobazar Danny Janvier avec son nouvel album Festin Nu. Procurez-vous-le maintenant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, les vendredis matin à 10h. On rappelle, les samedis à midi. Et mercredi à 13h pour une autre édition du Poste d'écoute. Je vous retrouve aussi à CNX et dans les palmarès, c'est fou. C'est reclassé qui suit avec Alain Lefebvre. Passez une excellente semaine. Bye bye. Remembrance, making a fool of myself. Wait! fingers, dying for blood in your foot, to float in the shadows of pain.